Voici Guy Arbogues. Où ça? Bonjour les amis. Salut. Bonjour. Alors j'en parlais encore ce matin avec le chauffeur de Leïla en sortant de la limousine qu'elle partage avec Patrice Laffont. Eh bien, c'est bien, j'adore Pyramide. Je voulais être Marie-Ange Nardi quand j'étais jeune. Et Laurent Brunet, on l'embrasse. Bon, encore deux ans. Tu es au courant que c'est Guillermo Guise qui parle? Eh bien, oui, alors moi, quand c'est moi, il n'y a pas de souci. Je suis désolé, Guillermo. Alors, je voudrais faire une parenthèse. Information, c'est dégueulasse. Information. Pas moins de 4 Français sur 5 auraient déjà contracté une MST une fois dans leur vie, si l'on en croit un sondage réalisé auprès de mon groupe de potes à Paris. Sondage qui révèle également qu'un Belge sur 1 serait dans le même cas de figure. Même si, toujours d'après cette enquête, c'est pas une raison pour le juger. Ça fait pas lui un mauvais collègue. Alors, une chance sanitaire. Il est trop tôt pour se prononcer, Nagui. J'imagine bien que le sujet vous brûle les bouts. Surtout quand on connaît, surtout quand on connaît la frénésie avec laquelle vous déployez votre libido dans les caves de France Inter. Frénésie scientifiquement épatante pour un mammifère. C'est pas votre éternel souffre-douleur Tom Villa. Tom Villa dit le tatami qui témoignera du contraire. Donc plus que jamais, protégeons-nous des MST. La mauvaise nouvelle pour nos auditeurs sexuellement actifs, s'il en reste, il en reste. Des auditeurs sexuellement actifs, on veut pas savoir. Mais la mauvaise nouvelle, les amis, c'est que les préservatifs de consommation courante seraient eux aussi gorgés de perturbateurs endocriniens. Comme tout le monde, comme les sans plomb et les pauvres Blédina. Et ouais, c'est moche. Moi, ça me donne envie de crever dans une pub cette Hélène. Vraiment, c'est triste. Mais bon, c'est vrai, t'es là, tu te dis, je mets un préservatif, je sens pas grand chose, je vais débander dans 10, 9, 8, 7, comme une fin de match de PSG finalement. mais au moins, je suis sûr de pas contacter une gonorrhée ou une pension alimentaire. Enfin voilà, je fais mon devoir de citoyen. Ah ben non, t'es contaminé comme ça. Même baiser safe, c'est plus safe. T'imagines, c'est pas un truc de fou. C'est quoi la prochaine étape, quoi? La fidélité, enfin, n'importe quoi. Les 5 fruits et légumes, le service militaire. Enfin, merci les industriels. En fait, comme c'est des dispositifs médicaux, les industriels ne sont pas obligés de révéler la composition exacte de leurs produits. Du coup, à tout moment, tu peux ken avec un pneu recyclé, plein de cyclotrylixolane, qui est une molécule qui permet de faire diversion par rapport au fait d'avoir utilisé le terme ken sur France Inter. C'est fou, non? J'ai lu ça dans un article France Info hier matin, qui avait un petit côté vengeance de célibataire d'ailleurs, qui était assez drôle. Ça commençait comme ça, ça disait: la Saint-Valentin, mercredi 14 février, s'annonce sous ses meilleurs auspices. Vraiment? Interrogation. Genre, vraiment, tu crois qu'ils vont t'enterrer comme ça, niquer comme un bonobo le 14 février? Taper le beurre, l'agent du beurre et la twingo de la crémière? Non, mon pote, t'as cru que t'étais le roi du disco? Pas du tout. Pendant que nous, les perdants du contenu sexuellement transmissible, on profitait du débrief Real PSG pour faire l'amour à nos phalanges, comme des détenus finalement. Toi, tu te chopais des hydrocarbures sur la table? Ben ouais, prends ça, DSK. Et ben c'est vrai, on aura peut-être jamais le DAS, mais on n'aura pas le cancer non plus. C'est la revanche des branleurs, c'est vrai. Le temps des abstinents. J'ai toujours su que c'était chelou le préservatif. La première boîte que je me suis achetée, c'était en 93. Quand j'ai eu l'occasion de l'ouvrir en 2007 pour dépenser mon premier salaire, et ben, les préservatifs ils étaient encore intacts. Il y a des conservateurs pas nets dedans, c'est sûr. Ils mettent des trucs, genre les préservatifs goût truffe par exemple. C'est pas de la vraie truffe, non. C'est sûr, impossible, c'est vrai. Pas possible. C'est du chimique. Alors évidemment, comme tous les perturbateurs endocriniens, les risques augmentent avec les doses d'exposition, évidemment, donc faut pas trop s'avoler. Moi j'ai un pote addict à Tinder par exemple, par convention, appelons-le d'aller morin. Et ben, il porte un préservatif semi-permanent au cas où on sait jamais sur qui on tombe. Mais voilà, je commence déjà à voir qu'il allait retirer les cheveux qui s'échappent. Mais oui, c'est comme ça, ça calme quand même, évidemment. Vous vous rendez compte, même les sextoys en plastique sont pleins de phtalates, de chlore, etc. et de trucs du genre. L'article conseillait d'ailleurs, pour être sûr, de s'orienter vers des sextoys en silicone, en céramique, en verre ou en bois. En céramique? En bois, comme pendant la Révolution française. Non, mon Dieu. Imagine, apparemment, du côté de Millimontant, il y a un petit menuisier très sympa qui fait des boules de geisha sans parabène. Sinon, très tôt le matin chez Rungis. Voilà. Pareil pour les préservatifs d'ailleurs. La société suisse Green Condom produit des préservatifs certifiés sans perturbateurs endocriniens et on en profite pour saluer Thomas Wiesel dans sa nouvelle carrière. Tu nous manques, Thomas, mais c'est pour la bonne cause. Grâce à toi, on va pouvoir ken bio. Allez, bonne nuit. Concentre. Nagui, la bande originale. Sextoy Pinocchio, tu veux dire? Pardon. Un sextoy Pinocchio, donc. Oui, en bois. C'est un truc en bois. Non, mais c'est pas.